Bienvenue, chers amis, à ce moment de culte et d'adoration avec le Seigneur. Nous recevons le prophète Hervé Datrou de la mission Christ, lumière des nations. Thème de son enseignement, la protection divine. Bonne écoute à vous. Let's let it rise louder. Alléluia Jésus, nous te couronnons encore ce matin. Seigneur mon Dieu, pour tu es digne d'être élevé, Seigneur mon Dieu, pourra. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, pourra. Tu es digne, tu es couronné, Seigneur, Père éternel. Nous voulons faire abstraction de ce qu'il y a autour et nous concentrer sur toi, Père. Au nom de Jésus, élève le nom de Jésus, celui qui t'a donné la vie, celui qui a fait en sorte que tu sois encore là, en ce lieu encore, celui qui te donne la santé, élève encore son nom. Ton Esprit Saint, Père de gloire, amen. Nous emmène dans les lieux très hauts, au nom de Jésus. Alléluia. Nous te couronnons, nous te proclamons. Parle notre louange, pardonne-nous, je nous t'invite. me faire ce que tu veux. Il y a un Dieu qui est comparable à toi, Jésus. Tu es unique. Tu es unique dans nos vies, Seigneur. C'est pour cela que nous te servons. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus et je veux simplement bénir la grâce de Dieu qui nous permet de nous retrouver au travers donc des antennes de la radio de la vie. Et le Seigneur a mis une parole sur mon cœur que je voudrais partager avec chacun d'entre vous en cette période particulière. Particularité de cette période, c'est que pour la première fois dans l'histoire, je pourrais dire même de l'humanité, une pandémie frappe tous les pays qui sont pratiquement sur la planète Terre. Et en plus de cela, nous expérimentons quelque chose d'incroyable. Les églises sont fermées, les lieux de culte, tous les différents lieux de culte sont fermés. Il y a un confinement général, je pourrais le dire comme cela, en Europe, beaucoup plus ressenti. Et bien sûr, en Afrique également, nous sommes dans des tableaux, dans des situations particulièrement complexes. Et face à la complexité de la situation, les cœurs sont troublés, l'inquiétude monte, la peur gagne du terrain, jusqu'à même aujourd'hui déstabiliser certains enfants de Dieu. On regarde et on se dit, mais est-ce que nous traverserons cette épreuve? Est-ce que nous passerons le cap du coronavirus, parce que c'est bien de ce virus-là qu'il s'agit? Est-ce que la peur commence à monter, la foi est secouée, plusieurs sont même déstabilisés dans leur conviction et leur assurance. Laquelle assurance leur dit que le Seigneur Jésus-Christ est notre rocher, il est notre bouclier, il est notre force. Tout ce qui est qualificatif et tout ce que le Seigneur peut être dans notre vie, aujourd'hui, dans la pensée de plusieurs, ce témoignage-là est mis à rude épreuve. Et nous avons cru bon de nous associer à l'action de la radio Fréquence Vie pour apporter une parole de réconfort à quelqu'un, une parole qui va booster la foi, qui va recadrer les choses et qui va remettre en selle, je pourrais dire, la dynamique de notre victoire. Je veux donc, au travers de mon intervention, nous exhorter sur la protection divine. La protection divine. Pour en parler, je vais m'appuyer sur un tout petit texte qui nous exhorte de manière très claire. Jean 14, le verset 1. Jean 14, le verset 1, la Bible nous dit ici « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Une deuxième lecture, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » En cette parole, en cette période difficile, je veux que cette parole du Seigneur fasse écho dans l'esprit et la pensée de plusieurs. Alors, je vais encore insister, et c'est Jésus-Christ qui parle à quelqu'un. Toi qui es troublé, apeuré, effrayé, inquiet, déboussolé, toi qui es même pour certains sur le point pratiquement de craquer parce que la pression de la maladie est tellement forte aujourd'hui qu'il y en a qui craquent dans leur foi, il y en a qui cherchent d'autres raccourcis, il y en a même qui sont attirés par le monde. Alors le Seigneur dit et te dit de manière directe que ton cœur, oui chrétien, chrétienne, enfant de Dieu, toi-même qui ne crois pas en Dieu, le Seigneur te dit que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Et il précise ici l'élément qui doit constituer la stabilité de ta foi, qui doit constituer ton assurance. Cet élément-là, c'est l'assurance, la foi, la confiance que tu vas mettre dans le nom du Seigneur Jésus et que tu vas mettre en Dieu. Il précise donc, croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que le Seigneur bénisse cette parole et qu'elle nous fasse grand bien. Dans le nom de Jésus. Alors que notre cœur ne se trouble point, cette exhortation vient parce qu'effectivement, nous sommes dans la période où les cœurs sont troublés, inquiétés. Nous sommes dans la période où alors plusieurs aujourd'hui sont même en train pratiquement de perdre la foi. Mais nous voulons dire que le Seigneur Jésus est notre protection. Il dit « Croyez en Dieu et croyez bien sûr en moi. Croyez en Dieu. » Et croyez en moi. Mais croire en Dieu nous engage à quoi? Croire en Dieu nous engage à faire confiance en Dieu. Croire en Dieu nous engage à mettre notre assurance en Dieu. Mais en de pareilles circonstances, en quel Dieu devons-nous mettre notre foi et notre confiance? Quand je dis en quel Dieu, en quel aspect de la manifestation du divin devons-nous mettre notre confiance et notre assurance? Est-ce que c'est dans le Dieu de justice qu'il faut investir? Est-ce que c'est dans le Dieu, je pourrais dire, qui est l'alpha et l'oméga, qu'il faut investir? Bref, nous devons mettre notre confiance dans un caractère singulier et particulier du Dieu qui, en cette période, se révèle être le caractère le plus approprié que nous devons pouvoir alors expérimenter, que nous pouvons alors nous approprier, et c'est la protection divine. Le Dieu qui protège, nous devons mettre notre confiance en lui. Je pourrais donc reformuler ici ce verset 1 du Jean 14 en disant que ton cœur ne se trouble point, mais ta confiance en Dieu qui protège et en Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi tu pourras mettre ta confiance en Dieu et en Jésus? Je veux rapidement te donner 7 arguments qui te permettent de mettre ta confiance en ce Dieu qui protège. Je bâtirai donc mon intervention sur 7 points, sur 7 points. Et je peux même appeler cela en sous-titre, cette dimension de la protection divine. En grand titre, la protection divine, elle se déclinera dans mon exposé en 7 grands points, en 7 grandes dimensions qui permettent aux chrétiens, aux croyants, à l'homme qui met sa foi en Dieu, de voir la protection divine se manifester. Premier point, ce que j'appelle ici premier point, se présente comme suite, la protection universelle et vocationnelle de la création, la protection universelle et vocationnelle de la création. Pour que nous puissions bien le comprendre, il faut que nous inspirions bien sûr des saintes écritures. Quand je parle de la protection universelle, je veux parler de cette protection que Dieu accorde à toutes les créatures sous le soleil. Tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a créé bénéficie d'une protection, d'une sécurité, d'une grâce de la part de l'Éternel. Tout ce qui existe bénéficie d'un soutien de l'Éternel. Tout ce que Dieu a envoyé sur la terre, créatures, les hommes, les femmes, que tu le connaisses, que tu ne le connaisses pas, il y a une protection universelle que Dieu déploie sur toutes ces personnes. C'est pourquoi, quand il y a des calamités, ce ne sont pas tous ceux que Dieu ne connaît pas forcément qui meurt. Il y a beaucoup qui meurent sans connaître Dieu, c'est vrai. Mais il y a ceux aussi qui meurent sans avoir, ceux aussi qui vivent, alors qu'ils ne connaissent pas Dieu, alors qu'ils ne l'ont même pas invoqué, alors qu'ils ne lui ont jamais fait ni d'offrande, ils ne lui ont jamais adressé d'intercession, ils ne lui ont jamais adressé de prière. Quand nous regardons, par exemple, même dans le Nouveau Testament, quand vous voyez la veuve de Naïn, Naïn était un territoire, je pourrais dire, versé dans la sorcellerie, la magie, c'était un territoire païen. Mais Dieu va visiter cette femme, veuve de Naïn, va ressusciter son fils et va lui accorder la victoire simplement à cause du ressenti de Dieu, à cause de ce que Jésus a ressenti. Il y a des peines, il y a des douleurs qui amènent Dieu à se manifester parce que l'individu qui gémit et qui souffre est simplement sa créature. Dieu donc, comme on peut le lit dans le Proverbe 15, le verset 3. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Et la parole pourra préciser plus tard que les yeux de l'Éternel ne supportent pas le mal. Et donc, il y a des situations difficiles et dangereuses que Dieu va enlever dans la vie des uns et des autres simplement parce que lui, Dieu, son œil ne supporte pas le mal, parce que lui, Dieu, il voit cette calamité, il voit cette souffrance. Des personnes donc seront délivrées parce qu'elles sont juste une créature, elles sont des créatures de Dieu. En tant que créature donc divine, même pas en tant que chrétien d'abord, je laisse la dimension de l'alliance. En tant que créature divine, tu as une protection que Dieu met sur ta vie. Tu as une protection que celui qui t'a créé met sur ta vie. Je parle également de la dimension vocationnelle de la protection. À cause de ce que Dieu a bâti dans ta vie un programme, un projet. Alors Dieu ne permettra pas que tu meurs sans que son programme ne soit déroulé. Je veux dire à quelqu'un quoi? Je veux te dire que pendant même que tu étais dans le monde, la main de Dieu était sur toi. Et cette main de Dieu t'a épargné beaucoup de choses parce que Dieu avait déjà programmé le carrefour de ta conversion pour qu'à partir de cette conversion, tu répondes à son appel et que tu rentres alors dans son programme. À cause du projet de Dieu que tu es, avant même que tu ne naisses, avant même que tu ne deviennes chrétien, la main de Dieu était déjà sur toi. Donc cette première section, je veux dire que Dieu accorde une protection universelle et vocationnelle à la créature, parce que ce Dieu-là, avant même que tu ne naisses, il t'avait déjà connu et il avait déjà bâti un bon projet sur ta vie. Et en plus de cela, parce que Dieu protège de manière universelle, parce que Dieu fait se lever son soleil sur les bons et les mauvais, parce que Dieu accorde sa grâce même à ceux qui ne l'invoquent pas, alors la grâce et la bonne manifestation donc de Dieu te met à l'abri de beaucoup de situations pénibles. Et Dieu qui fait cela te précise que lui fait une différence entre ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas. Si Dieu est capable de protéger des gens qui ne les vont pas, mais combien à plus forte raison, toi, ne ménagera-t-il pas ses efforts pour qu'il puisse alors te protéger, te garder de tout mal et te sécuriser? Oui, Matthieu 5, verset 45, renchérit, il nous fait savoir que notre Père qui est dans les cieux fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Il ne dira pas que la pluie, qui est symbole de la bénédiction, en d'autres termes aussi symbole de la grâce de Dieu, de la protection, va simplement toucher rien que les justes, uniquement que les justes, ceux justement qui ont l'alliance avec Dieu. Non, il est temps. Ce n'est pas une exhortation au péché, mais je veux consoler ta conscience troublée en te disant, s'il le fait pour l'injuste, pourquoi ne le ferait-il pas pour le juste? S'il le fait pour le païen, le pécheur, qui n'adore pas, qui ne prie pas, qui ne fait pas d'offrande, qui ne le confesse pas, qui ne travaille même pas à l'évangélisation, qui ne rend aucun ministère, pourquoi Dieu se retiendrait-il de te protéger? Frère, tu as déjà une protection divine avant même que tu ne sois chrétien. Tu as une protection divine parce que tu as un programme de Dieu. Il y a une protection divine parce que tu as un projet divin qui ne peut échouer. Alléluia. Alors en deuxième section, pour toucher la deuxième dimension de notre message, la protection par l'alliance et la filiation nouvelle en Jésus-Christ. La protection par l'alliance et la filiation nouvelle en Jésus-Christ. Notre Dieu est donc un Dieu d'alliance. Je m'en vais maintenant sur le deuxième palier. Si dans le premier, nous avons vu que même dans le temps où on ne connaît pas Dieu, Dieu protège, et même ceux qui ne connaissent pas Dieu, Dieu les protège, et qu'il peut alors à plus forte raison accorder sa grâce à ceux qui l'invoquent, mais de droit et de plein droit, ceux qui sont dans une alliance avec Dieu ont le bénéfice, je pourrais dire, de la grâce, de la protection. Nous voyons cette bonne œuvre de l'Éternel se déployer et se manifester dans la vie de ceux qui sont enfants de Dieu, par Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous fait savoir que quand nous avons une alliance, l'alliance, par principe, crée une union, crée une fusion destinale, crée un mélange, je pourrais dire, de témoignages. Celui qui a une alliance, son allié est en lui et lui, il est dans son allié. Et donc, si j'ai une alliance avec le divin, Dieu est en moi et je suis en Dieu. En vertu de l'alliance que nous avons avec Dieu, Paul pouvait dire en Galates 2, verset 20, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Et donc, si Christ, principe de la gloire, principe de la sécurité éternelle, principe de la puissance invincible, principe de la force indomptable, principe de la lumière qui dissipe et qui balaye les ténèbres, s'il vit en moi par l'alliance, ce qui sous-entend donc, s'il est présent en moi parce que j'ai fait la paix avec Dieu par le sang de l'agneau, alors la gloire excellente de la protection est en moi. Alléluia. En vertu de cette alliance, j'ai la nature, j'ai le caractère, j'ai le témoignage de sa présence. Notre Dieu n'est pas un partenaire, parce que celui qui a une alliance, il n'est pas dans un partenariat. Le partenariat peut être rompu, le partenariat même, il peut avoir des réglages, mais nous sommes dans le cadre d'une alliance. Dans le cadre d'une alliance, celui qui m'attaque, c'est mon allié aussi qui l'a attaqué. Alors celui qui attaque Dieu, Dieu répondra. Dieu se manifestera. Je veux te dire clairement aujourd'hui que ce témoignage, plusieurs personnes ont eu bibliquement à l'expérimenter. C'est pourquoi je veux te dire ce matin, mets ta confiance en Dieu et que ce Dieu-là qui garde son alliance se manifeste à ton égard. En Genèse 17, verset 7, il dit que lui, l'Éternel, il agira. Il dit « j'agirai ». Il agira par son alliance et il agira à cause de son alliance entre toi et lui et tes descendants après toi, selon leur génération. Oui, bénéficieront de cette alliance. Et ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle il sera ton Dieu et celui de ta postérité avec toi. Je l'adapte à la prédication et au style direct de la prédication. Et donc, il le dit clairement, il sera ton Dieu. Quand on dit qu'on a un Dieu, ça veut dire qu'on a avec soi, comme partenaire, comme principe agissant, une dimension supranaturelle qui contrôle, qui dirige, qui régente, qui régit tout le système. Et une dimension à laquelle rien n'échappe, une dimension que rien ne peut dompter, une dimension qui contrôle tout, qui domine tout, qui règne sur tout, les maladies, les esprits, les calamités, les vents, les temps, les circonstances, tout est régi. Et donc quand on dit que j'ai un Dieu, ça veut dire que le principe de la domination, le principe de la législation même, de la législation universelle est avec nous. C'est lui le véritable législateur. C'est lui qui crée les lois. C'est lui qui peut les modifier. C'est lui qui peut les abroger en vertu des lois qu'il a établies. La mer ne pourra pas franchir certains territoires. En vertu des lois qu'il a établies, les nuages resteront suspendus sur la tête des hommes. En vertu des lois qu'il a établies, les montagnes n'auront pas la mobilité. Une montagne ne bondira pas de là où elle se trouve pour aller rencontrer une autre montagne, pour que les deux forment une famille de montagnes. Ce n'est pas possible en vertu de la loi de Dieu, de l'institution établie par le seul et véritable législateur de l'univers. Je veux dire ici que Dieu est avec toi, Dieu qui domine et contrôle les maladies, il est avec toi. Je pourrais renchérir avec Lévitique 26, 12 pour te dire que ce Dieu-là, il est au milieu de toi. Et Osée 2, verset 22, te rappelle la force de l'alliance en présentant sa dimension sentimentale et en te disant que c'est des fiançailles. Quand on dit qu'on a un fiancé, quand on dit qu'on est dans un mariage, comme Ésaïe 54, verset 5 peut l'étayer en précisant et en parlant ici d'époux, quand on voit dans cette dimension, on comprend mieux parce que ça ressort tout le sens de la sécurité qu'il est prêt à manifester pour toi. Tu as une alliance. N'oublie pas, tu as une alliance. Et à ce stade de mon message, je veux que tu le dises, que tu le déclares, que tu le confesses pour booster déjà ta foi. Dis, j'ai une alliance. Mes enfants sont issus d'un père qui a une alliance, d'une maison d'alliance. Mes enfants, ma famille a une alliance. J'ai une vie fondée et basée sur une alliance. Troisième dimension. Dans cette troisième dimension, je veux encore présenter quelque chose qui va nous aider. Car la Bible nous fait savoir que nous avons une dimension de protection à partir de la nature divine. À partir de la nature divine qui a été bâtie et déployée en nous. 2 Pierre 1, verset 4 nous fait savoir que Christ qui s'est déployé en nous, nous a rendu capables de communier, de participer à la nature divine, au témoignage du divin. Et Actes 12, verset 29, nous parle de ce que nous sommes des gens de la race de Dieu. La race spirituelle n'a rien à voir avec la couleur de la peau. La race spirituelle tient à l'esprit qui s'est incarné, qui s'est déployé, installé en nous à la suite de l'Alliance. Et cet esprit-là, nous revêtons sa gloire, nous revêtons sa lumière. C'est pourquoi, dans le psaume 27, David pouvait dire, « L'Éternel est ma gloire, est ma lumière et mon salut. » L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Et encore mieux, de quoi aurais-je crainte? Tu ne peux pas craindre, parce que l'Éternel qui est rentré en toi t'a donné de manifester une nature divine. Dans ta nature divine, tu es une réplique identitaire conforme à Jésus-Christ de Nazareth. Tu es un feu, parce que lui, il est feu. Tu es un rocher vivant, parce que lui, il est un rocher vivant. Tu es un lion, le lion de la tribu de Juda manifesté, parce que lui, il est lion de la tribu de Juda. Tu es une étoile brillante du matin, parce que lui, il est l'étoile brillante du matin, par le principe de l'identification. L'homme s'identifie à ce qu'il adore, et ce qu'il adore déploie en lui un esprit qui peut transformer son image en l'image de ce qui est adoré. Comme nous adorons Dieu par Jésus-Christ, alors il nous donne d'être transformés et de présenter l'image de Jésus dans le surnaturel, dans le spirituel. Celui qui vient contre toi, enfant de Dieu, ce n'est pas toi qui va voir. Ce n'est pas Quadio. Ce n'est pas Langevin. Ce n'est pas Pierrette qui va voir. Il va voir Jésus. Il va rencontrer Jésus. Il ne va pas voir Jésus sous la forme d'un petit garçon dans une crèche ou alors sous la forme d'un jeune homme, je ne sais pas comment on le présente là, mais il va voir un témoignage spirituel de l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Il va voir le feu, il va voir un rocher, il va voir un lion, bref, il verra une dimension qui lui montre et qui lui démontre que la puissance de Dieu, la force de Dieu, la gloire de Dieu a été descendue en lui et que cette gloire-là est invincible. La maladie ne peut pas, la malédiction ne peut pas, l'adversaire ne peut pas. Troisième, quatrième chose rapidement, alors nous courons avec le temps. Notre alliance avec Dieu nous a donné le statut d'enfant de Dieu. Car à tous ceux qui l'ont reçu, comme Jean pouvait le crier, Jean 1:12, et qui ont confessé, qui ont cru, et à ceux-là, il a donné de devenir enfant de Dieu. Mais il a donné donc de devenir enfant du roi des rois. Il y a donc une dimension de protection qui découle de notre statut royal. C'est pourquoi le quatrième point, protection par le statut royal. Éphésiens 2:19 nous dit que nous ne sommes plus des gens du dehors, mais nous sommes les saints gens de la maison de Dieu, citoyens de la sainte cité céleste, ce qui sous-entend alors que nous sommes des personnes qui vivent maintenant un témoignage de royauté. Psaume 34, verset 8 nous enseigne que l'ange de l'Éternel campe, mais l'ange ne campe pas auprès des esclaves, il campe auprès des ministres, auprès des enfants de Dieu, auprès de ceux qui sont de la royauté divine. Tu as la royauté divine et à cause de ton statut royal, la maladie ne rentrera pas, tu n'es protégé, tu en es gardé et tu en seras épargné. Je cours et je vais maintenant sur un autre point qui me dit maintenant que la protection est aussi manifestée par le sacrifice de la croix. Jésus-Christ de Nazareth, Ésaïe 53:11 nous fait savoir que par le travail de son âme, il justifie plusieurs et par ses meurtrissures, nous sommes guéri. Dans le même texte, Dieu nous a guéris et il a déposé le principe de la guérison en nous. Apocalypse 5:9 parle de nous en disant que Jésus, par son œuvre expiatrice, a racheté pour Dieu des personnes de toute langue, de toute tribu, de toute nationalité, de toute région. Mais nous avons été rachetés de quoi? De la mort, de la maladie, de la souffrance, de la misère, le châtiment qui nous donne la paix parce que nous étions dignes d'un châtiment de pandémie, de coronavirus, de cette sale maladie, mais le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et ce principe de la croix a manifesté et activé en nous la force et le témoignage de la protection. Protection maintenant par le témoignage de la vie nouvelle en Jésus-Christ de Nazareth. La vie nouvelle en Jésus-Christ de Nazareth. Cette vie nouvelle, il y a notre témoignage et l'autre aspect, l'autre dimension de la victoire. Car la Bible nous dit clairement que nous avons vaincu notre ennemi par le sang du témoignage, par le sang de l'agneau et par la parole du témoignage. La parole du témoignage dit quoi? La parole du témoignage dit que Dieu nous a donné Jésus. Et Christ est venu pour que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il est venu pour que nous soyons un témoignage d'abondance, un témoignage de paix, un témoignage de joie, un témoignage d'allégresse. En cette période, je te rappelle ton témoignage. Tu n'as pas un témoignage de mort précoce. Tu n'as pas un témoignage d'individu qui doit être couché, confiné, cromé quelque part, alors que tu dois être sur le terrain actuellement pour fortifier la voix des gens, pour prier, pour enseigner, pour alors évangéliser. Tu n'as pas un témoignage que le diable a tracé, mais le témoignage que tu dois vivre te vient de Jésus. Ton témoignage n'est pas bâti par la sorcellerie. Tu ne seras pas le reflet de ce que la sorcellerie dit, mais tu reflèteras le témoignage de la gloire de Dieu. Je m'en vais terminer ici par le témoignage que nous avons avec la protection par le nom de Dieu. Oui, à mon septième point, la protection par le nom de Dieu. Ésaïe 37, verset 35, à cause de mon nom, comme il le dit lui-même, à cause de son nom, de sa sainteté, Dieu va se glorifier. Proverbe 18, verset 10, le nom de l'Éternel est une tour forte dans laquelle on se réfugie. Psaume 116, verset 17, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel, quand il est invoqué, la main de Dieu descend. Et toi qui as le nom de Dieu, tu peux l'invoquer. Psaume 20, verset 2, que le nom de Dieu, le Dieu de Jacob, te protège. Son nom est un nom de protection. Le psaume 115, verset 1, non pas à nous, mais à ton nom dans nos gloires. L'Éternel agira. Pas à cause de toi, pas à cause de ta sainteté, tu n'es pas saint, pas à cause de tes offrandes, qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Mais il agira pour sanctifier son nom. Aux États-Unis, après cette crise, on va sanctifier le nom de Jésus. On va plus prononcer en vain, on va plus blasphémer. Ils ne vont plus raconter leur petite vie d'athée et de personnes égarées, mais ils donneront gloire à Dieu. L'Europe va se réconcilier parce qu'ils verront la main et la puissance de Dieu. Cette Europe athée, cette Europe qui a rejeté Dieu, cette Europe qui renie et qui est versée dans le péché de manière outrancière, cette Europe se tournera vers le nom de Jésus. Oui, ils lèveront les regards vers celui qu'ils ont percé. Ils lèveront les regards vers le crucifié de la croix. Ils lèveront les regards vers celui qui a été élevé depuis Jérusalem. Et la gloire de l'Éternel couvrira la terre tout entière. Chers amis, tu as la protection universelle et vocationnelle. Tu as la protection par l'alliance et la filiation en Jésus. Tu as la protection par la nature divine. Tu as la protection par ton statut royal. Tu as la protection par le sacrifice de la croix. Tu as la protection par le témoignage, la vie nouvelle bâtie en toi par Jésus. Et tu as la protection par le nom de Jésus qui est sur ta vie. Alors, bien-aimé, que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu qui te guérit, crois en Dieu qui te protège, crois en Dieu qui te garde et crois en Dieu qui te sécurise. Tu es précieux, tu es précieuse aux yeux de l'Éternel. Ne l'oublie jamais et tu ne tomberas pas comme un esclave parce que tu es une fille, tu es un fils du digne royaume de l'Éternel. Que de là où tu te trouves, la grâce de Dieu surabondante te donne la force, te relève, te soutienne et mette dans ton cœur la ferme assurance de ce que tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de la maladie, de la pandémie et aucun mal ne t'atteindra. Que Dieu te bénisse, que sa grâce soit sur toi et que sa bonne main continue de te faire du bien. Au nom de Jésus-Christ, nous avons la victoire, ce mal est vaincu et l'Église en a triomphé. Merci Seigneur pour ta parole, tu bénis ton peuple qui a écouté, tu sais ses paroles, tu actives le témoignage et ton nom est célébré. À toi, l'honneur et toute gloire au nom de Jésus. Amen. Dieu vous garde. Amen. Seigneur, tu me cherches, tu me connais, et si je t'oubliais, je sur ne peut nous séparer. Pour toi, je